Bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission de Rock de Neurones. Vous êtes toujours sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley. Et durant les deux prochaines heures, nous aurons du rock progressif d'aujourd'hui et d'hier, notamment Glasshammer avec une nouveauté. On aura aussi The Tangent avec une nouveauté. On a Cantina Sociale d'Italie. Ça date quand même de quelques années. On a Museo Rosenbach, là, un des premiers groupes de rock progressif italien. On aura aussi de la Suède de Richard Schoblum et All Traps on Earth. Ça, c'est une nouveauté. Alors, on s'attaque au premier bloc de l'émission. Comme d'habitude, nous avons un groupe qui occupe tout le bloc. Et cette semaine, c'est Glasshammer. Glasshammer, qui est un groupe américain qu'on connaît quand même depuis 25 ans. Ils ont fait leur premier album en 1993. Les fondateurs, ben, c'est trois musiciens. Il y avait Fred Schendel et Steve Babb et Michel Young. Deux des trois musiciens sont toujours actifs avec ce 18e album studio qui vient de sortir. Il s'agit bien sûr de Steve Babb et de Fred Schendel. C'est au niveau du chanteur principal qui a eu beaucoup de mouvements dans les années. Il y a eu Michel, ça a débuté avec Michel Young, il y a eu Walter Moore, Carl Groves, il y a eu John Davison qui a été... je pense, dans la période la plus intéressante du groupe, prolifique, qui avait une allégeance très marquée envers Yes. D'ailleurs, c'est pas un hasard s'il s'est retrouvé avec lui-même, avec le groupe Yes. Mais aujourd'hui, depuis deux albums, c'est la chanteuse Suzy Bogdanovic, qui, d'ailleurs, qu'on a vu à Terra Incognita il y a deux ans. Elle faisait ses premiers pas en tant que chanteuse principale du groupe. Alors, c'est le deuxième album. Il y a eu auparavant Valkyrie en 2016. Et le nouvel album s'intitule Chronomonote. Et sur cet album-là, on retrouve 12 chansons. Et 12 chansons pour 70 minutes, c'est quand même très généreux de la part de musiciens aussi talentueux. Puis il n'y a pas beaucoup de... c'est intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de, comment je dirais, de redites sur l'album. Alors, ces musiciens-là sont aujourd'hui... En fait, j'ai Suzy Bogdanovic, que je disais, au chant. Il y a Steve Babb et Fred Schendel. Ils sont accompagnés d'une dizaine de musiciens invités, dont Matthew Parmenter, qui est le chanteur principal du groupe Discipline. Alors, sur l'album que je vous propose, on aura 5 extraits et on démarre ça tout de suite. Thank you.

is past, but in the past we had it all. The present won't last, but there's an open door to what you had before. Why feel the pain? Who can explain the way things are? Just take the trip, one little step into the slipstream does it all. Your resolve, it's a puzzle. Only you can solve. Why do you feel the need to make life hard? Always worried, always on your guard. alors c'était Glasshammer avec 5 extraits de leur plus récent album Chronomonaut. Et ça, c'est paru il y a quelques semaines. Alors après la pause, nous aurons The Tangent et Cantina Sociale. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, on débute le deuxième bloc avec une formation qu'on a présentée il y a deux semaines. En fait, si on est en rediffusion, je vous dirais que vous pouvez aller à l'émission 204. Et The Tangent avait alors occupé le premier bloc de l'émission en tant qu'album de la semaine. Et l'album, c'était Proxy. On revient cette semaine avec un autre extrait. Et l'extrait s'intitule The Melting Andalusian Skies. Et on va continuer avec un petit voyage en Italie, du côté de l'Italie, avec un groupe que moi j'ai beaucoup apprécié dans les années 2000-2010, c'est Cantina Sociale. Ils ont 3 albums studio à leur actif, le premier en 2002 qui s'appelle Baleine. On aura un extrait de cet album-là qui est suivi 7 ans plus tard avec Comme Lux. On aura un autre extrait. Et le dernier album, il est paru en 2017, c'est Chaosfera. Je le réserve pour une émission dans les prochaines semaines. Alors, on débute ça avec The Tangent. Thank you. We'll be right back. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est la formation italienne Cantina Sociale et on a entendu la pièce Seven Piccoli Indiani, ça c'est tiré de Cum Lux, qui est paru en 2009. Et auparavant, nous avions aussi de Cantina Sociale la pièce Dive Nere, tirée de l'album Balene, qui est paru en 2002. Et en début de bloc, nous avions de Tangent et la pièce The Melting Andalusian Skies, ça c'est tiré de Proxy, leur plus récent album. Je rappelle aux auditeurs que si vous voulez avoir le libellé exact de toutes les chansons, les artistes et les provenances des albums, allez faire un petit tour sur la page Facebook de Rock de Neurones. Alors après la pause, Museo Rosenbach. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. OK. Avec le troisième bloc, on a Museo Rosenbach. Alors, ceux qui ne connaissent pas ce groupe-là, c'est un groupe italien assez énigmatique dans le sens que, après avoir fait paraître Zarathustra, leur album studio, en 1973, ils sont complètement disparus pour réapparaître 40 ans plus tard avec un album assez intéressant du nom de Barbarica. Ça, je ne mentionne pas l'album Sans intérêt qui est paru en 2000. Là, c'est passé complètement inaperçu et puis il n'y a aucun intérêt artistique, en tout cas du point de vue du rock progressif. Alors, je dirais que les deux seuls albums de Museo Rosenbach, c'est Zarathustra et Barbarica. Alors, un an après Barbarica, ils ont été invités au Japon pour une série de spectacles qui regroupait en fait, en plus d'eux, il y avait Maxophone et il y avait aussi Il Rovescio de la Medaglia. Ça, c'est trois artistes qui étaient parmi les plus illustres groupes des années 70 de rock progressif. D'ailleurs, ces trois artistes-là ont trois albums qui sont considérés comme faisant partie des 20 meilleurs albums de rock progressif italien, selon le site Internet Italian Prog. Alors, je reviens à Tokyo 2014, où on a eu le droit à un très bon spectacle. Et ça a été enregistré et on a, bien entendu, un extrait à vous proposer. C'est la pièce Zarathustra qui est apparue, je l'ai mentionné plus tôt, sur le premier album de 1973. Alors, on y va tout de suite avec ce très bon album en spectacle. Thank you. misera ombra, vuoto riflesso dell'io, non ti serve capire la forza che mi spinge a cercare nel mondo chiare senza divina, già si nasconde in chi sta vivendo il gioco del tempo nell'attesa di un'alba diversa. Thank you. nascondono una vita antica. Mille tradizioni han costruito un muro intorno a me. Solo e senza forze mi perdo nelle mie parole. Forse chi cerco ha camminato sempre accanto a me. Ecco nasce in me, vivo il superuomo. We'll be right back. que vous écoutez, c'est Museo Rosenbach avec un extrait du spectacle qu'ils ont fait à Tokyo en 2014. Et la pièce s'intitule Zarathoustra. Ça, c'était enregistré en 1973. Après la pause, un groupe, en fait, un bloc consacré à la Suède. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurone avec Jimmy Farley. Alors, comme je le mentionnais avant la pause, on a un bloc complètement consacré à la Suède. En fait, on aura deux artistes. Le premier, c'est Rickard Sjöblom, qu'on a connu avec Birdfish et qui œuvre actuellement en parallèle avec Big Big Train. Mais il a aussi, encore en parallèle, un groupe du nom de Gunfly, et puis ils ont sorti un nouvel album il n'y a pas très longtemps. L'album, c'est Friendship, alors on va entendre la pièce-titre de cet album-là. Et tout de suite après, ça va aller du côté de All Traps on Earth. Ça, c'est un nouveau groupe qui nous vient de la Suède. Et un des membres qui fait partie de ce groupe-là, je vais vous épargner l'épellation, mais c'est le bassiste du groupe Anglagard. Alors, ceux qui ont vu Anglagard à Québec il y a 2 ans savent, ou qui connaissent le groupe de toute façon, savent que c'est très professionnel. Et ce sont des musiciens qui sont assez collés sur leur partition, si on peut dire. Alors, on y va tout de suite avec Rickard Sjöblom. We'll be right back.

Alors, c'était le groupe suédois All Traps on Earth. En début de bloc, je mentionnais qu'il y avait un membre du groupe Anglagard qui faisait partie de ce nouveau groupe-là, mais en fait, il y en a deux. Il y a Johan Brand, qui est bassiste, mellotron et tout ça, puis il y a Thomas Johnson aussi, grand piano, Rods, Fender Rods. Et le nom imprononçable que je parlais au début de bloc, bien, c'est Eric Hammarström. Eric Hammarström à la batterie, ben c'est lui qui a remplacé Mathias Olsson sur cet album-là. Mais on l'a aussi entendu sur Prog Pazvenska. Ça, c'est le Live in Japan qui est apparu en 2014. Et ça, c'est un nouveau groupe avec un nouvel album. Et auparavant, nous avions aussi de Suède, Rickard Sjöblom's Gunfly et la pièce titre de l'album Friendship. Alors ça, ça me fait à l'émission... à la programmation musicale de cette émission de Rock de Neurones. Et j'aimerais vous rappeler, avant de terminer, que vous pouvez écouter cette émission en rediffusion les dimanches de midi à 4, c'est-à-dire de 10h à midi, et les mardis de midi à 14h. Et ça, c'est sur les ondes de C'est fou. Et si vous voulez aller sur Internet, bien, je conseille d'aller sur SoundCloud. Et dans la barre de recherche de SoundCloud, vous tapez Rock de Neurones et vous aurez accès à l'émission de la semaine courante. Pour les émissions archivées, ben, il faut passer par la page Facebook de Rock de Neurones. Et sur cette page-là, ben, vous allez aussi trouver le lien pour SoundCloud et aussi le lien pour archive.org où il y a près de 140 émissions de 2 heures qui sont archivées. Vous allez trouver aussi sur la page Facebook mon top 20 de l'année 2018 et beaucoup d'autres informations. Alors, c'est Jimmy Farley qui vous souhaite une bonne semaine et qui vous invite à vous joindre à nous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Rock de Neurones.